On mettait toutes les gerbes, on les défaisait avec, on les déliait, on appelait ça délier. On les alignait sur l'herbe et après on faisait tourner avec un rouleau. J'ai encore le rouleau, je l'ai encore là sur l'herbe. J'ai toujours l'herbe, j'ai conservé l'herbe. J'ai l'herbe et le rouleau sur l'herbe. Alors il y avait un piquet au milieu. C'était assez sûr. Le cheval ou le mulet, vous voyez, était attaché à une corde au piquet au milieu. Et à mesure qu'il tournait, la corde s'enroulait et le rapprochait du piquet. Quand il avait fait qu'ils étaient assez près, qu'ils étaient en dehors des gerbes, on tournait le truc et il continuait de tourner, mais ça se déroulait. Et il allait en s'écartant, vous voyez? C'était astucieux le truc. Et de temps en temps, on faisait un peu sauter avec la fourche, on faisait sauter la paille. Et petit à petit, le grain tombait. Et après, alors, on faisait sauter, quand c'était fait, vous voyez que le grain était séparé de la paille. On faisait sauter avec la fourche, on enlevait la paille, il restait le grain sur l'air. Et alors là, on avait des balais. Et on balayait le grain. On balayait le grain, on en faisait un tas au milieu de le grain qui était mélangé avec les débris de paille. Et c'est là qu'après, on les passait au tard.